Yeah. 18h, je rentre du taf et j'en fume quelques-unes sur ce joint de Zeb. J'écris nos mémoires et comme client, je reste dans mon coin, mec. J'suis solo à l'appart et je me pose bien trop de questions. Merde, j'crois que j'suis la définition même de l'introspection. Les cours me gavent et j'sais très bien que je ne suis pas fait pour race. Attentat lyrical, j'extériorise comme le frérot sur rame pour rame. Ça vous passe à travers de la gorge comme cette flûte traversière. Cet instru me fait voyager, c'est pire que si j'étais un parachutiste. J'connais une histoire sans fin, mais c'est pas la chute qui me bouleverse. J'suis en décalage, mais j'suis parti de Namek hier. J'suis devant ma feuille et j'gratte des rimes riches et célèbres, hein. J'm'épuise et puisque c'est le destin, j'épuise ce grand tas de feuilles. J'attaque le mic, t'es ma devise et c'est universellement vrai. J'suis loin des tristes comme cette fille dont le plus petit frère s'est planqué. Tu veux me parler de rap, mais mon gars, j'sais ce que c'est. Des rimes en pagaille, voilà ce qu'il y a dans mon carnet secret.